Et bien du coup. Ça ressemble à l'exercice, par le symbole du stoïcisme, ça ressemble à l'exercice éthique de Marc Aurèle, de nous apporter aucun jour sans stoïcisme. Et au contraire, ça me paraît être ce que Ricoeur reprend, l'écriture de soi comme exercice éthique. Ah, oui, enfin, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se cherche. L'écriture de soi, ça relève d'une ambition éthique d'une certaine façon. Sauf que pour Sartre, voilà, je connais pas bien ces textes-là et je connais pas l'ensemble parfaitement de donc il y a sûrement, et tant mieux, des lieux comme ça où ça travaille. Mais pour Sartre, il me semble que c'est toujours trop lourd d'une certaine façon. Quand il est face à lui-même, quoi. Que être face à soi-même, ça conduit à une forme d'abolition et de disparition souhaitée, quoi. La pratique de la, oui, la construction éthique, elle aura lieu dans les commentaires, en quelque sorte. C'est-à-dire la rencontre d'une critique littéraire qui ne serait pas une critique littéraire philologique ou même herméneutique, mais qui serait, enfin, herméneutique c'est très large, mais une critique littéraire qui irait vers l'éthique, oui. Alors. Oui, quelque chose comme ça. Bon, mais je suis tout à fait, d'accord avec ça. Et effectivement, il y a beaucoup d'expériences d'écriture. J'ai vraiment schématisé, hein, c'est-à-dire j'ai fait comme s'il y avait la philosophie, le roman et les psychanalyses existentielles. Bon, c'est forcément insuffisant. Il y a aussi le théâtre, il y a aussi des... Voilà, donc... Je reste tout à fait. Du coup, parce que dans l'introduction, tu semblais évoquer également les entretiens comme une autre forme. C'était juste une curiosité, peut-être plus anecdotique, mais du coup, comment tu poursuivrais ce. Mais alors, moi je serais partisan. Alors les entretiens, je les connais pas très très bien. Il y a peut-être du retour à soi. Dans quelle mesure ce retour à soi, c'est pas le symptôme simplement biographique de l'âge, en quelque sorte, ou d'une détresse, ou d'une. Bon, enfin. Comment dire, moi je suis assez pour, enfin je suis assez partisan de la, j'ai tendance à vouloir évaluer l'importance des textes, et du coup effectivement je les hiérarchiserais de manière à faire des psychanalyses existentielles quelque chose d'important, je laisserais les choses comme ça et comme tu l'avais évoqué, je me demandais s'il y avait pour toi une branche de parcours que tu continuais, mais c'était non, moi je pense que là où c'est important, c'est dans les psychanalyses existentielles. Si, voilà, ce que je veux dire, c'est que simplement il y a un souci de soi, mais pas au sens tout à fait qui est constant du début à la fin, en même temps une haine de soi. Alors on pourrait en parler aussi en termes de psychologie, mais l'idée, c'est dans quel dispositif ça prend valeur d'œuvre, quoi. Voilà, et pas sans doute pas dans les entretiens, sans doute, voilà. Mais j'ai aussi choisi en fonction de ce que je connaissais bien, voilà. Du coup, est-ce qu'il y a encore des questions soit là-dessus, soit sur d'autres aspects, Claire? Revenir à ta problématique initiale sur finalement qu'est-ce que c'est cette identité non négologique, je trouve la formule est vraiment très juste chez ça. Et je voulais savoir au fond, cette identité non négologique, est-ce que c'est pas forcément une histoire et est-ce qu'elle n'est pas forcément rétrospective comme dans le cas des psychanalyses existantes? Oui, c'est-à-dire dans quelle mesure la solution n'est pas quand même du côté de la rétrospection, du côté de l'histoire. Je crois que le passage du récit, de la narration, de la rétrospection à la dimension analytique, même si dans la psychanalyse existentielle on a de la rétrospection, de la totalisation rétrospective, sauf dans le cas de Genet où effectivement ça continue, mais je crois que la volonté, c'est justement d'excéder le rétrospectif, quoi. C'est-à-dire que dans le commentaire il se passe quelque chose qui excède le discours philosophique, disons, qui excède ou qui fait travailler la rétrospection narrative et qui l'ouvre d'une certaine façon. Mais alors Ricoeur, enfin lui a pris ça en compte, hein, puisque Ricoeur ne cesse de dire que c'est une dialectique concordance-discordance. Donc il est plutôt du côté de la concordance et de la configuration, et je crois qu'il faut faire droit chez Sartre à ce qui est une volonté incontestable et très, très farouche de maintenir le discordant, quoi. Il y a du discordant et c'est très fort et c'est pas forcément heureux, et comment on l'écrit ce discordant sans faire, disons, de poésie ou sans faire des choses qui seraient des formes puissamment discordantes. Là on est dans du discordant très configuré, mais alors comment on l'écrit, voilà. Et du coup le récit, non, c'est trop rétrospectif, je crois, quand même, enfin, le récit aussi. Alors, donc si je reviens, je reprends le terme de discordant, et en même temps dans la psychanalyse existentielle, je prends Baudelaire par exemple, il y a la tentative de penser quelque chose qui est un choix originaire et qui conduit du côté plutôt du concordant, enfin ce qui donnerait naissance finalement à un mouvement discordant, mais il y a cette espèce de radicalité qui fait d'ailleurs que souvent les psychanalyses existentielles sont d'une intense sévérité. Enfin, c'est assez étrange de voir ce jugement plaqué sur les auteurs, sur les œuvres. C'est vrai qu'il y a des Baudelaire, c'est vrai de Mallarmé, c'est vrai de Flaubert. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une autre dimension du rapport entre Ricoeur et Sartre, c'est que Sartre, ce choix originaire, cette liberté, donc, est comme en suspens. Et ensuite, en effet, Sartre va tenter, dans la narration qu'il peut produire, de retrouver quelque chose comme une dimension corporelle, une situation. Mais tandis que chez Ricoeur, je crois que toute la tentation est de penser cette liberté en l'articulant de l'involontaire, mais en deux sens. C'était, oui. Je crois, au fond, le sens de soi-même comme un autre. C'est-à-dire l'altérité dans le fait que l'individu est en situation de se penser comme libre, mais dans le rapport à l'autre en soi. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je pense que le... Enfin, je dirais presque comme ça, de manière peut-être un peu... Enfin, pas par provocation, mais disons que... C'est peut-être pas très différent chez Sartre, mais l'option, l'inflexion... à des résultats qui sont complètement autres, quoi. Mais Sartre essaie aussi de penser, peut-être que l'intériorisation de la relation. Alors là, il faudrait regarder L'être et le néant de manière précise sur les questions de l'altérité en soi, etc. Alors ça, je suis pas assez pointu pour répondre de ce côté-là, mais disons que sur la manière dont Sartre effectivement enferme en quelque sorte les auteurs dans une sorte de, vous avez parlé de sévérité, c'est-à-dire que effectivement on se choisit une fois pour toutes tel qu'on sera, et voilà, je crois que ce qui vient contredire ça, et peut-être plus dans le Flaubert que dans les autres, c'est la pratique du commentaire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce qui va être pour ces auteurs qui sont déterminés comme des objets objectivés en quelque sorte à certains égards, c'est le fait qu'ils sont en situation d'être écrivains et d'être donc interprétables aussi par leur écriture. Hein, parce qu'interpréter une vie, c'est toujours la réduire à un parcours logique en quelque sorte, ou à une. Voilà. Interpréter les textes, c'est s'ouvrir vers de l'altérité, l'altérité, elle aurait lieu peut-être pour Sartre effectivement dans, mais il le dit jamais comme ça théoriquement, enfin c'est jamais fondé ça dans ses théories du langage, mais il y a peut-être aussi un problème entre ce qui est la formalisation philosophique et puis la pratique ensuite de la psychanalyse existentielle, enfin ça tient pas, je pense, absolument, quoi. Sur la question du corps et de la différence vraiment au fondement entre Ricoeur et Sartre là-dessus, je ne saurais pas. J'aurais tendance à dire que c'est pas très différent. Enfin, dans la. Voilà. Mais bon, je peux me tromper. Je te pose poserai, enfin, sauf s'il y a d'autres questions, je te poserai volontiers une question de une demande de précision sur un point que tu as mis explicitement en parenthèse, sur, il me semble, sur cette idée d'une ipséité fondamentale, qui ne soit pas une identité, un peu encore en discussion avec Ricoeur. Et voilà comment ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que tu faisais, c'était cette reconstruction de ce dépassement de la phénoménologie. Et la prise en charge de plein de questions qui n'étaient pas possibles. Du coup, je n'ai pas forcément saisi l'articulation. Non, mais parce que ce n'était pas articulé, c'est-à-dire que je vais essayer. Mais en fait, le problème, c'est que d'une certaine façon, la question de l'ipséité, une ipséité qui ne réduirait pas à un ego, il l'ouvre. Cette ipséité non égologique, elle est possible au plan des analyses phénoménologiques les plus radicales. Bon. Et en même temps, d'une certaine manière, il parle d'indication de soi. Bon. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre là et qui n'est pas articulé, qui n'est pas repris tel quel par la suite. Voilà. Moi, j'aurais tendance, mais je pense que c'est un forçage un peu théorique, à l'articuler en direction de l'expérience de l'écriture, de l'expérience de la lecture, de l'expérience... Voilà. C'est-à-dire que là, quelque chose le rapport au signe, quoi. Mais il le dit pas. Sa théorie du langage, je crois pas qu'elle parte de là. Je crois pas qu'il cherche à faire cette. Mais bon. Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on fasse. On peut faire aussi un tour de table si chacun a des annonces aussi de choses sur ça, de publications, de colloques. Oui, bien sûr, on peut. Peut-être de ce qu'il fait, ce que chacun fait. Oui, on peut prendre un moment de discussion plus informel, moins lié à ce que tu as fait, mais même si tu vois que ça a déclenché une interaction très intéressée. Oui, Manuel. Juste en termes d'information, le groupe des études sartriennes organise au mois de juin son colloque annuel qui se tiendra cette fois-ci. La seconde journée, je commence par la fin, porte sur un certain nombre de réceptions de l'œuvre de Sartre dont qui ont été évoquées dans les discussions ces derniers jours, notamment sur l'antipsychiatrie. Mais la première journée porte sur la littérature, sur Sartre et ses adieux à la littérature, et les différentes figures de l'adieu à la littérature. Alors ça a lieu à Paris, à la Sorbonne, comme tous les ans, et les dates, je ne les ai plus avec moi. Une approximation aux alentours du 20, 25 juin. 24-25, voilà. C'est ce que je peux. Tu peux aussi rappeler le. Ils ont un bulletin. Alors il y a le bulletin de. Ce qui pourrait être bien, c'est comme vous avez les adresses de tout le monde, c'est que moi je reconserve le mail pour que vous puissiez forwarder après. Mais ça, en règle générale, on le fera hein, si vous avez des annonces, si vous avez des choses à faire partager à tout le monde. On pourra même d'ailleurs faire une liste avec les adresses mail visibles si ça convient à tout le monde, comme ça on pourrait avoir des échanges. Là, le consulat est passé sur leur liste, mais il serait qu'ils font passer beaucoup d'informations. Je trouve une très bonne idée. Alors c'est en fait ils nous ont reparlé l'autre jour, c'est pas en rapport direct avec Sartre, c'est en rapport avec la thèse et le travail de doctorat. En fait, à Nanterre, il y a plusieurs personnes qui font un travail vraiment utile. En fait, c'est des séances et des sortes de séminaires assez informels, de discussions où en fait un doctorant peut présenter soit l'état de ses travaux, soit une difficulté ponctuelle. Ça peut être même un problème de traduction, un problème conceptuel précis, un souci de source ou des choses plus fondamentales, plus théoriques. Et en fait, il le présente et il est face à un répondant qui n'est pas son directeur de thèse, mais dans le choix duquel il intervient lui-même, en collaboration avec les gens qui organisent l'atelier. Voilà. Donc c'est vraiment un outil extrêmement profitable, je crois, pour les doctorants, et qui n'est pas réservé aux doctorants de Nanterre. Donc les personnes qui s'en occupent nous ont demandé de faire savoir ça le plus largement possible, parce que c'est ouvert à tous les doctorants, et voilà, ils sont très accueillants. Voilà. Alors maintenant, je n'ai pas l'adresse mail de Cécile. Mais on peut la retrouver et on peut également vous la communiquer par mail, voilà. Mais sachez qu'ils nous ont demandé de refaire la pub quoi, de cet atelier et que donc voilà. Oui. Ça s'appelle comment cet atelier? C'est pour ça que je dis tout ça, atelier séminaire, je ne sais plus comment il est l'intitulé. C'est le. Ça s'appelle la pratique des idées. Mais ça s'appelle séminaire doctoral ou un truc comme ça. Ils sont sur le carnet du Sophia Paul, le blog, sur lequel on a également mis toutes les informations sur le colloque. Donc le blog du Sophia Paul, il y a le lien pour ça, mais on peut aussi facilement vous communiquer les adresses mail pour entrer en contact avec les organisateurs. Donc voilà. Mais il y avait aussi, vous avez les documents, la parution prochaine, je voulais que tu coordonnes, Emmanuel, sur Sartre et le marxisme. Oui, pour les gens qui n'étaient pas là. Déposer ton papier, si tu fais un... Pour rappeler, pour ceux effectivement, qui n'étaient pas là, c'est un collectif qui a sorti au mois de septembre, qui était en dispute. C'est un gros collectif, en fait, sur le sujet Sartre et le marxisme. L'idée, c'était de faire... un volume qui fasse le tour de l'ensemble des gros problèmes qui se sont nés autour de Sartre et du marxisme, donc une histoire évidemment chatoyante et longue, et ce qui m'a intéressé, c'est justement de faire cohabiter dans ce travail des interventions, des contributions de personnes extrêmement reconnues dans le champ des études sartriennes de longue date, et des personnes tout à fait inconnues, très jeunes, certains des doctorants, des très jeunes chercheurs, et donc voilà, de multiplier les approches. Évidemment, c'est pas un bouquin exhaustif. C'est pas un reproche qu'on fera. Déjà, ça brosse un peu le tableau. Et donc, comme les ouvrages collectifs coûtent très cher, la dispute l'éditeur, va publier de toute façon en ligne, mais pour aider au lancement de l'ouvrage, fait un appel en bonne volonté, ce qui s'appelle un appel à souscription, donc ça coûte un peu moins cher quand on l'achète par avance. Voilà. Alors j'en profite pour une autre indication. On avait organisé donc des doctorales, peut-être un peu sur le même modèle il y a 3 ans. Et on a fait un volume d'art qui est sorti l'année dernière, donc on espère que ça va pouvoir se refaire là, pour la situation de Sartre. Et il est sorti chez Klimisit dans la collection des continents philosophiques, et on en a apporté un exemplaire. Comme ça, si vous voulez voir ce qu'on avait fait à partir du même dispositif il y a 3 ans, c'est possible, et le volume est là. Alors, puisque...